L'actualité à Nancy et ailleurs. Du 1er au 6 octobre, retrouvez l'association Amis sans frontières au centre commercial Saint-Sébastien-Nancy pour l'action de fil en aiguille. Lysiane Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Amis sans frontières sur la Meurthe-et-Moselle. C'est ça, oui, depuis 14 ans. Avant de parler un peu de ce qui va se passer lors de cette semaine au centre commercial Saint-Sébastien, présentez-nous un peu l'objectif de cette association et qui l'a fait vivre sur Nancy. C'est une association humanitaire et humaniste, une association nationale qui existe depuis 30 ans. Ça fait plus de 25 années qu'on collecte la laine à cette période-là au centre commercial Saint-Sébastien. Le départ de l'association, c'était d'aider des mamans en difficulté. Et ensuite, petit à petit, on nous a demandé de tricoter, de faire des ouvrages pour des bébés jusqu'à l'âge adulte. Et par exemple, l'année dernière, on a distribué 5500 pièces de tricot. Et justement, expliquez-nous un peu ce que vous y faites au sein de cette association. C'est vraiment tourné autour du tricot et de la laine ? Essentiellement, oui. Nous, on apporte la chaleur, hein, essentiellement. Il y en a qui amènent voilà, au niveau de l'administration, d'autres des produits alimentaires. Nous, on amène tout ce qui est chaud, oui. Donc des pulls, de la layette pour bébé, jusque bonnet, écharpe, des pulls pour ados, adultes, voilà. Sur Nancy, par exemple, combien êtes-vous de bénévoles à faire vivre cette association ? Alors, c'est essentiellement sur la Meurthe-et-Moselle. On est à peu près entre 150 et 180 tricoteuses. On tricote chez soi ou bien on se réunit le mercredi après-midi au foyer résidence Chevardet à Nancy, c'est rue de Dieuze. Donc, on se réunit de 14 à 17 heures. Alors, on distribue à 17 organismes sociaux sur Nancy, essentiellement sur Nancy, parce qu'il y a déjà beaucoup de besoins à Nancy. Au niveau local, exactement. Oui. Alors, justement, au niveau local, sur Nancy, il y a cette collecte qui va se dérouler, qui est traditionnelle maintenant, vous l'avez dit, hein, ça existe depuis plusieurs années. C'est ça. Ça se passe au centre commercial Saint-Sébastien. De quoi avez-vous besoin et on peut venir aussi vous rencontrer pour en parler. Tout à fait. Alors, on a besoin de laine essentiellement, toutes sortes de pelotes de laine, c'est-à-dire de la laine layette, de la laine neuve, de la laine entamée. On a énormément besoin de laine entamée, des restants de laine, ce qu'on appelle, pour faire des couvertures, parce que c'est très demandé au niveau des organismes. Dans une petite couverture layette, on emballe le bébé, on peut le changer, on peut le mettre la petite couverture sur la poussette, dans la voiture. Les couvertures sont réellement très demandées. On manque de laine, de plots entamés, pour faire nos couvertures, parce qu'on va pas prendre les paquets de 10 plots. Qu'on a vraiment besoin pour faire des grands pulls, donc il nous faut des bouts de laine. C'est important pour nous. On a vraiment beaucoup de mal à trouver des plots entamés. D'accord, donc c'est vraiment ce besoin-là particulièrement, oui. Entre autres. Donc voilà. On peut venir vous aider, vous apporter tout ça la semaine du 1er au 6 octobre au centre commercial Saint-Sébastien. Mais aussi au-delà, je suppose qu'on peut vous aider le reste de l'année ? Bien sûr, tout au long de l'année. Donc, comme je vous dis, on se réunit tous les mercredis de 14 à 17 heures, 38 rue de Dieuze, au foyer résident Chevardet, donc à Nancy. Et tout au long de l'année, oui, bien sûr, on peut nous amener de la laine. Des boutons également, parce que les boutons, c'est très cher. Et donc, on est preneur de boutons. Alors, comment on peut faire pour vous contacter ? Alors, nous, on a un site Facebook. C'est Amis sans frontières avec un majuscule, tout attaché, 54. Amis sans frontières Meurthe-et-Moselle ou Amis sans frontières 54 sur Facebook. Et bien sûr, il y a un site national pour Amis sans frontières qu'on trouve très facilement avec un moteur de recherche. S'il y a des personnes, des dames, des messieurs qui veulent venir tricoter avec nous, c'est avec grand plaisir qu'on les accueillerait parce qu'on a toujours besoin de tricoteuses et de tricoteurs, s'il y en a. Lysiane Collin, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.